Donc bonjour à toutes et à tous, on va commencer l'atelier Debout Éducation Populaire, donc l'atelier qu'on fait tous les dimanches sur la place depuis bientôt un an, parce qu'on l'avait commencé en août l'année dernière. Donc là on est à la deuxième partie de l'atelier, donc le principe de cet atelier dans la première partie c'était de définir dans quelle société on souhaiterait vivre, donc on l'a fait de façon volontairement utopique pour sortir un petit peu des imaginaires habituels et précises de dans quelle société on souhaiterait vivre. Donc maintenant qu'on a développé du coup pas mal de propositions concrètes, on passe à la deuxième étape, c'est-à-dire comment on fait à partir de maintenant pour y arriver. Donc on a déjà traité il y a 3 semaines le thème, on a fait 2 ateliers dessus, et là depuis la semaine dernière on est sur le thème des enfants, de l'éducation au sens large, la place des enfants dans la société qu'on souhaite. Donc on n'a pas le compte-rendu écrit de la dernière fois, mais de mémoire, ce dont on a parlé c'était donc de sortir du... Enfin, plutôt comment sortir du système d'évaluation. Ce qu'on avait proposé, c'était de faire dans une première étape, de laisser donc le matin un programme un peu actuellement, en sachant qu'il pourrait être co-construit avec les élèves, les parents d'élèves et le corps enseignant. Et ce qu'on avait dit pour l'après-midi, dans les salles de classe, ça pourrait être en fait à contenu libre. C'est-à-dire que le contenu dans ces salles de classe est posé par les personnes qui souhaitent faire, je sais pas, un enseignement sur une chose ou une autre. Ça peut être une lecture, une expérience, ça peut être aussi sous forme de jeu. Et qu'en fait, ce qu'on se disait aussi, c'est que les enfants pouvaient eux-mêmes proposer en fait des contenus. Donc ça, c'était un peu la première étape pour arriver à modifier ce système d'évaluation. Et dans l'idée, justement, je crois qu'on avait parlé de quelque chose qui existait aux États-Unis, où il s'était rendu compte qu'il y a un socle de base d'apprentissage absolument à partir de 6 ans, 7 ans, tout le monde la même chose, mais qu'on peut par exemple apprendre à faire des maths plutôt à 10 ans ou inversement, enfin voilà, qu'il n'y a pas forcément, il n'y a pas nécessairement, plutôt, excusez-moi, une hiérarchie dans les apprentissages et en fait que chacun s'intéresse d'abord, découvre différentes choses et puis développe ce qu'il a envie de développer. Donc du coup, on est sur la deuxième session de cet atelier. Et là, on va développer donc les questions qui ont été faites donc dans la première partie de l'atelier, les 4 propositions qui sont inscrites en verte. Donc la première, c'est plus d'activités pratiques pour développer l'imaginaire des enfants. Donc là, voilà, ce qu'on essaie d'aborder aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut faire arriver à cette proposition concrète. La deuxième chose, c'est donc l'accès gratuit à l'éducation pour tous, bon, pour tous et pour toutes. La quatrième, c'est donc liberté de penser, critique des connaissances et non pas apprentissage par cœur. Et apprentissage aussi des différentes cultures et à chaque fois mise en perspective de chaque apprentissage en fonction de son milieu d'origine et de l'histoire aussi. On avait pas mal parlé de l'histoire, par exemple, des mathématiques, etc., qui nous fonçaient le système d'une autre façon. Et le quatrième, c'est favoriser les échanges et les rencontres. Et là, dans les propositions concrètes, on avait, par exemple, que les enfants puissent aller se déplacer en montagne, en campagne, en banlieue, ne serait-ce que déjà en France, tous les différents lieux de vie dans lesquels on peut évoluer. Donc, du coup, je lance le début de cet atelier. J'arrête de parler. Et donc, comment mettre en place plus d'activités pratiques à l'école, de quelle façon est-ce qu'on peut le mettre en place, et donc développer l'imaginaire des enfants, en sachant qu'on avait dit qu'en fait, il n'y a pas besoin de développer l'imaginaire des enfants, il y a juste besoin de ne pas le brider, ce qui est bien plus fait. Donc, j'ouvre le débat à ceux qui souhaitent s'exprimer sur ce sujet. Ne vous battez pas. Ah, c'est toujours les premières interventions qui sont les plus difficiles. c'est pour ça que je prends toujours le risque. Et surtout que le premier truc, à mon avis, c'est de fermer toutes les écoles. Ça, c'est la base de tout le système éducatif. C'est de laisser les enfants libres. Dans leurs parents, les voisins, les copains, etc., libres de faire ce qu'ils veulent, avec qui ils veulent, comme ils veulent. Et parce que ça n'existe pas qu'un enfant soit inactif, qu'il n'ait pas envie d'apprendre. C'est naturel, c'est normal. Et avec tout l'argent qu'on peut dégager pour, dans le système actuel, qui coûte très cher et qui ne sert à rien, surtout entre depuis la maternelle jusqu'à l'ENA, on peut dégager des milliards pour donner aux familles et un crédit qu'on peut donner aux enfants, je sais pas, à partir de 10 ans, pour aller faire les expériences qu'ils ont envie de faire, pour apprendre ce dont ils ont envie, mais surtout des anarmes, mais ça peut être la musique, ça peut être je sais pas, la poterie, la poésie, des choses qui font plaisir, voilà. Apprendre par le plaisir. Et après, quand ils auront envie ou besoin de passer à autre chose, ils auront les moyens intellectuels et financiers pour le faire. Et c'est ce qui c'est ce qui amène de toute façon une grande autonomie qui, je crois que c'est un peu oublié dans ce qui était dit. Tout le monde est tous les enfants seront différents, donc ils n'auront pas envie de se mettre des étiquettes ou des catégories pour dire toi t'es pas bien, moi je suis bien, moi je suis mieux, etc. Donc la liberté de penser, il n'y aura pas besoin de tic, ce sera naturel. Et on peut créer des endroits, justement les écoles peuvent devenir, enfin les bâtiments peuvent devenir des endroits de réunion, que ce soit, où peut y avoir des réunions, ça peut être le syndicat, l'association, les parents d'élèves, une certaine religion, chaque soir différente, etc. Et surtout que ces bâtiments soient ouverts à tout le monde, à tous les citoyens, qu'ils soient immigrés ou autres. L'important, c'est que ce soit pour faire quelque chose de choisi. Voilà. Alors, du coup, on en avait parlé, ça aussi, de l'ouverture. Et donc, tu dis fermer les écoles, est-ce que c'est réalisable demain ? On ferme les écoles et qu'est-ce qui se passe ? Ok. Non mais voilà, parce que là on essaye du coup de dire concrètement comment est-ce qu'on peut le mettre en place. Je pense que déjà, donc la première partie était utopiste, elle va être réaliste, donc ça va être moins cool. Et donc en fait, c'est concret. Est-ce que déjà, il te semble qu'il est possible, là dans la société dans laquelle on est maintenant, de proposer ça et que les... Il y a déjà plein de parents qui le font. Vas-y. Il y a des oui, hein, sans parler des Roms, il y a déjà plein de. Seulement qu'on n'en parle jamais dans les journaux, mais il y a plein d'écoles qu'on appelle alternatives, mais c'est pas le mot juste. Mais des écoles libres. Hein. Il y en a une que je connais en particulier qui est en train de s'étendre comme un incendie. L'école dans les bois. C'est-à-dire où on habille bien les enfants qui puissent se rouler par terre, monter sur les arbres et faire tout ce qu'ils veulent. Après, s'ils demandent quelque chose, on leur enseigne. Mais ce n'est pas le but. L'important, c'est qu'ils soient libres, la liberté et la nature. Et ça existe déjà et ça existe de plus en plus. Parce qu'il y a plein de parents qui en ont marre de l'école telle qu'elle est actuellement. Surtout qu'il y a des choses, c'est en train d'empirer maintenant avec le... Par exemple, l'histoire des vaccins, où on ne pourra plus aller à l'école, ça. Alors c'est tuer les enfants, ça. C'est... Et il y a plein de parents qui accepteront jamais ça. Didier, pardon, c'est vrai, on ne doit pas dire les prénoms, mais je crois que tu t'en fous un peu, non, toi, personnellement. Ça va ? Je t'ai pas proche. Merci de me pardonner. De te nommer. Oui, donc les expériences que tu cites, c'est-à-dire l'école dans les bois ou en tout cas en pleine nature, mais souvent c'est dans les bois parce que c'est dans les pays nordiques, Allemagne, etc. Mais ça se fait aussi à Ibiza, il y a des expériences, parfois c'est des paysans qui organisent ça, leurs écoles eux-mêmes. Toutes ces milliers d'écoles auto-organisées qui naissent en ce moment, c'est des milliers ou des centaines de milliers, mais en tout cas c'est beaucoup. Et pour revenir concrètement au concret du débat avec ce que tu disais, Adèle, c'est-à-dire, ok, on ferme les écoles, mais est-ce que les gens sont prêts ? Vraiment non, on sent bien que non. En même temps, il faudrait leur poser la question, c'est pour ça que j'ai dans les micros. Pas seulement nous, là, mais si on était au gouvernement, si on était monsieur je ne sais qui, ou madame je ne sais quoi, et qu'on soit en mesure d'envoyer un référendum au peuple avec les questions qu'on veut. Est-ce que vous seriez pour fermer l'école ou les écoles, ou est-ce qu'on les ferme, qu'on les garde, mais qu'on les organise différemment l'après-midi, comme tu proposais précisément la semaine dernière? Il y a vraiment un référendum sur l'éducation à faire, et comme c'est le début de la société, si on commence par là à mettre tous nos efforts, il y a tardé à ce sujet, je trouve. Oui, du coup, pour aller dans le sens de l'intervention précédente, ça, effectivement, les écoles autogérées, moi j'ai un cas, on en a rencontré un il n'y a pas longtemps en Espagne, et en fait, c'est les parents qui ont décidé par eux-mêmes, en fait, de faire une école autogérée. Alors certes, ils avaient en libre parce qu'ils n'avaient pas forcément du travail, etc., etc., ou en tout cas, ils ont fait en sorte d'organiser leur vie et leur temps de travail pour pouvoir gérer cette école comme ils voulaient. Donc effectivement, pourquoi pas le référendum et poser la question aux parents, mais aussi la possibilité aux parents de le faire. Et ce qu'il faudrait éventuellement, c'est de faire un espèce de conseil d'école et dire, bah voilà, l'année prochaine, ça pourrait se passer, par exemple, l'année prochaine, on souhaite changer de méthode pédagogique. Et en fait, vous proposez quelque chose que voilà, de plus, beaucoup plus participatif. Vous avez 2 mois pendant vos vacances à réfléchir un petit peu comment vous voulez le faire. Et on se voit à la rentrée et on fait une espèce d'assemblée générale. Et du coup, enfin, je verrais ça un petit peu comme ça. Mais du coup, il faudrait effectivement impliquer les parents et peut-être les profs ou les instits qui rêveraient en tout cas, ou qui rêvent de faire un enseignement différent, mais qui ne peuvent pas actuellement parce que y a le diktat de l'éducation nationale sur ces gens-là également. Et pourquoi pas faire des petits, et après, comment, je crois qu'on l'a un peu dit la semaine dernière, mais s'il y a des exemples, même s'il n'y en a qu'un ou deux qui se créent et que ça se fasse bien, il y en aura peut-être 4 l'année prochaine, et il y en aura déjà 2 fois plus, et peut-être 2 fois plus l'année suivante, etc., et faire en sorte que ça remporte l'adhésion, en fait. Voilà. Alors, n'hésitez pas si vous souhaitez intervenir, le débat est ouvert à tous, je donne en priorité la parole à ceux qui n'ont pas parlé, et donc je reprécise, on est donc sur l'atelier « Quelle société veut-on ?» Deuxième partie, ça commence à être long à dire maintenant. Deuxième partie, comment fait-on pour y arriver ? Et donc là, le thème, c'est les enfants, et les propositions qui ont été donc mises en place lors du premier atelier sont notées là-bas, et donc on est en train de réfléchir à comment le mettre en place concrètement à partir... Moi, en fait, j'ai une idée à apporter. Je pense qu'on pourrait aussi regarder dans les pays autres que la France sur l'éducation. Je sais pas, j'ai un exemple, par exemple, au Japon, où dès le jeune âge, en fait, on apprend des valeurs aux jeunes, qui est l'entraide, l'écoute entre soi, et des thèmes comme ça qui sont super importants et qui fait qu'il y a de la cohésion. Et je pense que ça serait intéressant de mettre ces pratiques-là en France. Et même en France, ça existe, sauf que c'est dans des écoles privées, où leur journée, s'entraident entre eux, s'ils comprennent pas, ils s'entraident. Et je pense que cette chose-là, il faudrait la mettre sur le public. Et développer cette façon-là d'éduquer aussi. Moi, je pense qu'il y a une rôle de notre propre autonomie et de notre propre liberté en amont, tout simplement. Pour l'instant, les États nous obligent à payer des impôts qui servent à financer l'école, qui sert à former des bons petits citoyens et des bons travailleurs. Mais la liberté, elle est là, elle est dans nos mains, tout simplement. Il suffit à chaque individu, à chacun d'entre nous qui a des enfants, de décider un jour, un matin, voilà, ce système ne me convient pas, j'ai envie d'élever mes enfants d'une manière différente. Et c'est possible. C'est possible, c'est légal. C'est pas l'éducation nationale qui est obligatoire en France, c'est l'instruction. Donc il suffit de dire, de déclarer, voilà, moi je vais confier l'éducation de mes enfants à quelqu'un que je pense qui va faire un meilleur travail, ou je vais faire l'éducation de mes enfants moi-même, et je pense que je ferai un meilleur travail, que mes enfants seront peut-être différents, plus libres, plus autonomes. Et ça peut se faire, c'est facile, c'est très facile, c'est juste une décision personnelle. Il se trouve que dans ma propre expérience, j'ai passé, notamment quand mes enfants étaient petits, sur un bateau. Et avec ma femme de l'époque, on a fait l'éducation, l'instruction de nos enfants nous-mêmes sur le bateau tous les matins. On s'est aperçu très vite qu'avec 2-3 heures de travail par jour, on couvrait largement le programme scolaire habituel. On a eu des enfants qui savent très bien lire, très bien écrire et qui sont civilisés. Et donc je crois que c'est simplement comment arriver à la société qu'on veut, comment arriver au monde que l'on veut. Bah, il suffit de se dire, voilà, demain matin je commence et je le fais chez moi. Du coup, deux petites... Moi, je rajoute des contradictions et j'alimente le débat. Deux petites choses. La première, est-ce que c'est vraiment accessible à tout le monde? C'est-à-dire, est-ce que c'est accessible à celui qui doit se lever à 6h du matin et travailler jusqu'à 23h? Là, c'est la première chose. Et la deuxième, est-ce que, du coup, ce que tu dis signifie il faut que ça se passe de façon individuelle plutôt que comme projet de société d'un commun... Enfin, mis en commun. Voilà, c'est un petit peu les deux biais que tu réponds ou tu réponds pas. Hein. Je continue. C'est à toi. Bon, c'est à moi. Non. Moi, ce à quoi je pensais, il faudrait peut-être que quand il y a ce qu'on appelle la rentrée des classes au mois de septembre, dans toutes les écoles, que ce soit des écoles maternelles, des écoles primaires, des collèges, des lycées, des universités, qu'il y ait des citoyens qui veulent ce changement au niveau de l'éducation nationale, de monter, je ne sais pas, des réunions, et puis d'avoir qui veulent bien y participer, de voir ce que eux pensent de l'éducation, de ce qu'ils veulent, après de regrouper toutes les idées qui ont pu être avancées, et puis après de voir celles que vraiment on peut mettre en place, sans se dire on attend l'aval d'un tel, voilà. Bon. Il y avait Camille et Didier. Merci. Du coup, en fait, j'allais revenir et ce que tu proposais, je l'ai écouté attentivement et ça, je ne sais pas le synthétiser. C'est comme au ping-pong quand on ne sait plus où en sont les points. Ouais. En tout cas, sur le... Oui, je suis d'accord avec toi que ça, j'ai l'impression que c'est ce qu'on est en train de faire, d'avoir une liste de propositions de type faire l'école comme d'habitude, comme on a l'habitude là en ce moment, jusqu'à midi, et puis ensuite avoir un champ libre d'expérimentation pédagogique différente dans les écoles. Proposition très claire, très précise, qui peut vraiment être dans la liste des choses qu'on proposerait à une discussion ou à un référendum national, enfin ou régional, on s'en fout. Et je sais plus ce que je voulais dire par rapport à ce que... Ah oui, est-ce que c'est personnel, tu disais Gérard, d'accord avec toi, bien sûr, chacun à titre individuel, même celui qui se lève à 6h du matin, même le laborieux, même celui qui semble pris au piège par des crédits, etc. Enfin, même celui qui se sent pris au piège des loyers et de toute la difficulté de s'en sortir, en fait, je suis d'accord moi avec toi, il y a toujours possibilité. C'est souvent une question de courage. Autant là, l'objectif, c'est la société. Quelle société veut-on? Et là, maintenant, carrément, c'est comment arriver à la société qu'on veut. On est passé à l'an 2 de l'atelier du Pop. Je pense que nous ne pouvons pas parler au nom des enfants. Moi-même, j'ai un petit enfant qui va avoir 7 ans. Et les enfants, c'est des individus à part entière. Il faudrait d'abord demander aux enfants ce qu'ils veulent. Parce que des fois, mon gamin, il veut pas aller à l'école, il a des émotions, c'est les enfants les premiers intéressés. Et déjà, un enfant, dès qu'il commence à parler, c'est ce qu'il veut. Hein. Moi, je me rappelle bien, la première chose qu'il disait, c'était non. Tu vas aller à l'école? Non. Non. C'est les premiers mots qu'ils savent dire, donc ils s'affirment. Donc, c'est les enfants les premiers. S'ils veulent pas y aller, ils vont pas. Hein. Donc, le référendum pour les parents, pour le référendum pour les enfants. Savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire eux, les enfants. Parce que nous, il n'y a pas d'enfants ici avec nous. On a des grands-enfants qui ne seront pas présents. Et on décidera toujours à leur place. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, avant de venir en France, j'étais élevé je suis d'origine portugaise, c'est une expérience. Et j'étais élevé dans ce qu'on appelle le salazarisme, jusqu'à 9 ans. Salazar, c'était une dictature au Portugal. Tu vois? Non, c'était d'idéologie fasciste, on va dire. Et nous, qu'est-ce qu'on nous disait? Moi, je me rappelle bien la différence entre ce que j'ai appris là-bas et ce que j'ai appris en France. Quand je suis venu en France, c'était... Et donc, ici, il y avait des acides qui avaient des cheveux longs, tout ça. Nous, là-bas, on nous imposait un truc, on impose par la paire à tout le monde. Tous les enfants se faisaient taper dans le village. que tu apprennes ou que tu n'apprennes pas. C'était ça. Tu vois. Et ici, je me suis aperçu, quand je suis venu ici, tout le monde on est arrivé à la même chose. Là-bas, c'était par la force qu'on nous conditionnait. Et ici, c'était par la gentillesse. Ou par la ruse. Mais en fait, après, quand j'ai grandi ici, je vois, ici, c'est super. Mais en réalité, ça a donné le même résultat. On est des consommateurs, des bons citoyens. On n'a jamais été interpellé. Parce que moi, je me rappelle, mon père était en France. Et c'est comme il disait, je ne sais pas comment tu t'appelles. Nous, je suis resté la première année, j'ai fait une année d'école buissonnière. On faisait ce qu'on voulait dans la nature. J'allais avec les tziganes qui étaient là-bas, les gitans, parce qu'ils étaient chez nous. Voilà, et c'est là où j'ai appris le plus. Comment s'occuper d'un cheval, comment aller, on emmenait les chevaux dans la nature, comment monter à cheval sans selle. Et c'est là où j'ai plus appris dans ma vie quand j'étais enfant, c'est avec les petites tziganes. Ils connaissaient tout, les plantes, comment les plantes médicinales, tout, tout. Et c'est là que j'ai appris le plus. Vous voyez, et donc c'est ça, et je reviens à ce qu'il dit. Voilà, il faut fermer les écoles et demander aux enfants ce qu'ils veulent. Moi, c'est comme ça que je vois. Oui, pour répondre, il y a un problème psychologique. C'est, si on dit ça aux parents d'aujourd'hui, les 90%, ils vont dire, mais qu'est-ce que je vais faire avec mon gamin? Où est-ce que je vais le mettre? Dans quelle garderie? Qui c'est qui va le garder? Il n'y a pas besoin de garder les enfants, sûr. Non, mais s'ils sont ensemble avec différentes classes d'âge, enfin, moi je me rappelle quand j'étais petit, c'est-à-dire le samedi ou le dimanche matin, tous les enfants étaient dans la rue, tous les enfants du quartier étaient dans la rue, tous ensemble. Et par exemple, de temps en temps, on allait dans un camp militaire, enfin, qui était ouvert, tout le bordel sur la sécurité comme aujourd'hui, un camp d'entraînement, et on faisait des tas de conneries, mais complètement hyper dangereuses. Jamais rien arrivé à personne, personne ne s'est jamais fait mal. Et on faisait, il y avait des tas de choses et on apprenait des tas de choses sans même s'en rendre compte. Et ça peut être tout le temps comme ça. Mais il faut rassurer les parents aussi, leur dire, leur faire comprendre, mais peut-être essayer, faire voir que leurs enfants n'ont pas besoin d'un gardien. C'est pas des prisonniers. S'ils ont le choix, ils vont pas faire de conneries. Si on leur dit ça c'est interdit, ils vont le faire forcément tout de suite. C'est la première chose qu'ils vont faire. C'est ça la difficulté de dire vous êtes libre, mais si vous vous faites mal, ben tant pis pour vous, c'est votre problème. Mais on peut pas tout éviter, comme aujourd'hui la sécurité, il faut mettre des trucs pour pas se faire mal aux genoux, etc. Il faut mettre un casque pour faire du vélo à même pas un an, etc. Ça n'existait pas. Mais par contre, maintenant, en ce qui est où j'habite, hein, le dimanche matin, il n'y a pas un enfant dans la rue jusqu'à midi. Je ne sais pas ce qu'ils font. Sûrement qu'ils ont regardé la télé jusqu'à minuit ou plus, mais pour moi c'est affreux. Derrière, il n'y a jamais de gamin dedans. Et c'est. Je comprends pas. Des loups, il y en a plus, alors. Si, des loups, il y en a encore, mais ils sont plus dans la forêt. Il y a peut-être passé par une période de désintoxication. Qu'est-ce que c'est un enfant? Mais là aussi, on voit que la plupart du temps, c'est les parents qui réclament l'école et quelqu'un pour garder leur enfant. Pas pour l'instruire, ça, ils n'en ont rien à foutre. L'important, c'est de garder, pas de conneries. Mais si on voit tous les pédagogues depuis 100 ans, mais même actuels, je me rappelle jamais les noms, mais il y en a un qui était ministre même il n'y a pas longtemps, et tous les pédagogues disent le système actuel de scolaire il est complètement débile. Les enfants ne peuvent pas apprendre dans un tel système. Mais le système n'est pas fait pour apprendre, il est fait pour sélectionner. Il n'y a qu'à voir Bourdieu et compagnie. C'est celui qui va bien à l'école, mais il va aller à l'ENA, il va devenir président de la République. Bon. Mais tous les enfants ne vont pas devenir président de la République. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est là qu'il faut commencer à travailler, dire bon. Dans la société, il y a peut-être autre chose à faire que d'être ministre ou président de la République. Juste par rapport à la désintoxication, dit aussi la semaine dernière, c'était donc pour désintoxiquer les parents, en effet, qu'il était important d'avoir deux travaux en parallèle, un vrai travail théorique sur ce que c'est que... Voilà, pourquoi est-ce qu'on voudrait fermer les écoles, par exemple, apporterait de quelle façon, avec vraiment voilà, une réflexion pour que ait des arguments forts. Et l'autre chose, c'est aussi plein de terrains d'expérimentation où les données soient vraiment visibles enfin les données, mon Dieu, les réussites et les échecs aussi, et qu'on dit aussi dans la formation des personnes et en fait même dans l'éducation dès le début, apprendre les mille façons, les mille éducations qui existent avec leurs points forts, leurs points faibles et que chacun puisse créer à partir de là. Donc voilà, ça faisait partie un petit peu de la désintoxication. Alors hier... Ah ouais, tu du coup hier en fait j'étais à la manif à la Gay Pride et j'ai rencontré deux jeunes de 18 ans là qui m'ont dit qu'ils étaient au lycée autogéré de Paris en fait. Et en fait ce que j'ai remarqué comme problème, enfin ce qu'ils m'ont dit comme problème eux, c'est qu'il y a des systèmes alternatifs, mais par contre par exemple de rentrer dans le système normal, et bah c'est assez compliqué. Et ils m'ont dit dans le lycée autogéré de Paris en fait, il y a des jeunes qui y vont parce qu'ils se sentent pas à l'aise dans le système normal. Du coup, et ben ce qu'ils font, c'est ce qui est assez compliqué, c'est que quand les élèves du lycée autogéré de Paris sont en âge de passer le bac, et ben on se rend compte qu'il y a un taux d'échec qui est de l'ordre de 50% en fait. Du coup, ça veut dire que c'est bien de faire des systèmes alternatifs, lycée autogéré, école à la maison. Mais par contre, après, quand il s'agit par exemple d'aller à la fac pour avoir un métier ou d'aller en études, et ben ça devient très compliqué parce qu'on rentre dans le système normal à se réintégrer dans les systèmes normaux en fait. Tout à fait, et c'est pour ça qu'avant de dire on supprime tout de suite les diplômes, les notes, le système d'évaluation, on avait pensé une période de transition justement dans laquelle on gardait le matin un petit peu ce système-là jusqu'à ce qu'en fait soit tellement probante que ça s'efface presque tout seul. Et c'est sûr qu'on va pas pouvoir d'aujourd'hui à demain modifier tout d'un coup. Alors, il y avait Alan, Enro... Oui, peut-être quelque chose en contradiction qui disait oui. Libérer les enfants, oui, bon. Moi, je pense qu'il faut avant tout libérer les professeurs. Parce que les professeurs ont des programmes extrêmement restrictifs, extrêmement... Ils pourraient faire grève, hein, demander, voilà, quoi, la liberté. Et être beaucoup plus libre. Bon, bien sûr, souvent on dit aux professeurs qu'ils sont pas assez intelligents pour choisir le bon programme pour les enfants. Ça, c'est quelque chose qui revient très souvent. C'est-à-dire qu'ils sont des automates qui mettent, c'est des fonctionnaires, ils ont une fonction, ils mettent en place un programme qu'on leur a donné. Et un jour, on leur dit aller dans ce sens-là, deux ans plus tard, autre sens. Et en fait, on s'assure du fait que chaque professeur ira là où on lui dira d'aller. Donc je suis pas tant que ça pour libérer plus les enfants ou je sais pas quoi, parce que ça me paraît un peu vague, même si... Oui, c'est précis. C'est comme dire un château fort, une princesse, un prince, c'est précis, je veux dire. Ça. Mais je serais plus favorable à ce qu'on préserve cette institution qu'est l'école, mais qu'on... Voilà, qu'on libère un peu plus les profs. C'est personnel, hein, je dis pas que j'ai raison. Voilà. Ben, pour aller, pour continuer dans la question de la libération, moi je pense que faudrait aussi libérer les parents en fait. Parce que avec la désintoxication des enfants, moi j'ai trois enfants et je constate, hein, dès qu'ils sortent de l'école, c'est les écrans plats, c'est le portable, c'est le iPhone, et ils sont complètement aliénés par le virtuel. Et moi la question que je me pose, c'est qu'est-ce que nous en? Parce que moi quand je prends mon exemple, quand j'étais petit, il n'y avait pas tout ça. On était au jardin, on était au parc, on était dehors, mais il n'y avait pas encore, quoique si, le mercredi après-midi, on regardait Dorothée à la télé. Mais il n'y avait pas les portables et tout ça. Mais là, aujourd'hui, c'est tout le temps. Et donc je me dis, mais quel écologique sur eux plus tard? Quels citoyens ils vont devenir? Et donc, c'est pour ça que je pense que l'école, c'est une chose, mais il ne faut pas tout demander à l'école. Et effectivement, je rejoins l'idée que les parents peuvent aussi éduquer leurs enfants, mais encore faudrait-il que les parents aient le temps et l'énergie de le faire. Parce que c'est vraiment un travail à plein temps. Et qu'on peut pas comme ça dire, ben quand tu sors du boulot, ben occupe-toi de tes enfants. Parce qu'après une journée de travail, il faut qu'on qu'on reproduise son énergie, il faut qu'on récupère. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la patience, qui n'ont pas l'énergie et qui préfèrent mettre leurs enfants devant la télé eux-mêmes. Donc moi je pense qu'il faudra aller vers une libération des parents, qu'on laisse un parent au moins la possibilité qu'il a plein temps de s'occuper de ses enfants. Alors on pense bien sûr au salaire parental par exemple, qui pourrait être aussi bien pour la mère ou pour le père, hein. Il ne s'agit pas de revenir... Mais Je pense que là, il y a une clé qui est essentielle par rapport à la désintoxication des enfants. Merci, parce qu'en plus, du coup, c'est une proposition très concrète sur faire un salaire parental. Merci. Je reviens sur comme on a maintenant à l'atelier du Pop une proposition tout à fait concrète, identifiée, plusieurs même, mais je parle de celle d'une période de transition pour aller vers une libération des enfants, des travailleurs, des adultes, de tout le monde, puisque c'est difficile de libérer les enfants sans libérer les adultes, en effet. En gros, fermons les abattoirs pour tout le monde. Donc sur la zone de proposition concrète, là, je trouve ça passionnant. Donc on aurait le matin, le comme d'habitude, l'école normale, on va dire, l'école à laquelle on a été, ce que j'appellerais l'abattoir, en exagérant, parce que des fois il y a des bons profs, bien sûr, et des bons moments. Mais donc si on la garde le matin, donc je questionne le concept, est-ce qu'elle sera obligatoire le matin, cette école normale, cette école habituelle? Parce que c'est là le curseur, justement, de la liberté. Moi, il me semble, dans les expériences pédagogiques auxquelles je participe, ou dans les écoles dont je rêve, c'est des écoles non obligatoires. C'est-à-dire que ça me sidère quand dans un établissement scolaire, on exclut l'enfant ou l'élève parce qu'il a été, il a été déconnant, il a été chiant, il a pas fait ce qu'il fallait pour rester dans le. Donc on l'exclut. Si on est vraiment mal dans l'école, enfin comme moi, j'y étais mal, c'est pas du tout une mesure efficace. Ce qu'il faut, c'est que l'école soit tellement bien que quand on te dit tu peux plus venir parce que tu fous trop la merde, pour toi d'être exclu d'un groupe où t'as tes repères comme une famille, enfin en tout cas comme un groupe, comme une aumônerie, comme n'importe quoi. Et du coup, l'école, on a d'ailleurs plus ou moins tous connu dans notre scolarité des profs, surtout ceux qui ont connu le lycée où les profs sont un peu plus libres de leur pédagogie. Moi, j'avais une prof qui nous obligeait. Et finalement, tout le monde rendait les rédactions qu'elle demandait à l'école, à la maison, qu'il fallait ramener à l'école, au lycée. Et c'était pas oublié. On n'avait pas zéro si on ramenait pas la copie. Du coup, cette manière de collaborer était très efficace puisque tout le monde réciait cette prof. Donc, question concrète, est-ce que cette matinée, cette demi-journée d'école normale dans l'agenda, dans le calendrier de nos enfants, est-ce qu'elle sera obligatoire? Oui, en plus, ça va avec la proposition un peu large, accès gratuit à l'éducation, parce que très souvent, pour tout le monde, c'est aussi obligatoire. Donc, question à débattre. Il y avait... Ouais. Alors, en fait, je vais faire passer ça au milieu. Alors, je voulais dire quelque chose, c'est que les enfants, s'ils viennent au monde... Comment les enfants viennent-ils au monde? Les enfants ne viennent pas au monde par hasard. Donc, il y a des enfants. Est-ce que les enfants sont désirés? On veut que les enfants viennent ou viennent par accident? Déjà, il faut se questionner sur nous-mêmes. Et une fois qu'on a un enfant, qu'il soit là par accident ou désiré, nous en sommes responsables. Quand un bébé, comme j'ai vu récemment, on lui met un téléphone portable dans les mains, c'est pas le bébé qui est responsable. C'est les parents. C'est pas désintoxiquer les parents, c'est les parents. Il y en a qui s'en foutent. Par question de facilité, ils leur donnent des tablettes et des machins, et après la télé. Pour arrêter, c'est trop facile après de venir. Oh, je suis pas responsable, mon enfant ne fait rien. Mon gamin, je ne file pas de portable, moi. Pas de tablette, pas de télé, rien du tout. Tu vois? Si t'es pas content, il pleure. Tu pleures. Je lui dis, tu pleures là. Ouais, aujourd'hui, tu vas pleurer. Mais demain, tu vas rire. Tu vas rigoler parce que tu seras libéré de toute cette merde là. Tu vois? Et c'est trop facile de dire. Les parents, ils se déresponsabilisent. Tu vois? Après, je comprends, ici, par exemple, il y a des questions culturelles. Nous, par exemple, on était 7. Je dis à mon père, mais pourquoi il y a autant de gamins? Il me dit, parce que la religion nous interdit de mettre des capotes. Parce que la religion nous interdisait la contraception. Et je dis, j'aurais bien pu faire comme les riches. Parce que dans mon bled, les riches, ils n'avaient qu'un gamin. Ils disent, mais comment ils font, eux? C'est pas possible. Ils font pas l'amour ou quoi? Mais eux, ils avaient le droit. Et nous, on n'a pas le droit. Donc, c'est pour ça qu'on s'est trouvé 7. Et encore maintenant, actuellement, tous les parents qui ont 4, 5, 6 enfants, il faut se questionner pourquoi ils font autant d'enfants. Après, c'est trop facile. C'est la religion, c'est ci, c'est ça, c'est ça. Non, on n'est plus il y a 2000 ans. On est en 2017. On est en France. Tu vois, de nous responsabiliser et de dire, voilà, faire un enfant, c'est pas anodin faire un enfant. C'est pas anodin, moi je l'ai vu. Hein. C'est une grande responsabilité, mon gars. Une fois que tu le tiens dans tes bras, c'est tellement beau. Eh bien, un seul enfant, c'est à lui, H24. Moi, j'ai quitté mon taf, H24, tu dédies à ton gamin. H24. Le gamin, il a besoin d'être là. Il a besoin de sa mère, il a besoin d'être allaité. C'est l'allaitement. Rien que les enfants allaités, autre chose. Aux enfants, on leur donne du lait de vache. Mais c'est quoi ça? Le lait de vache est fait pour les veaux, par exemple. Si les enfants qui prennent du lait de vache, ça va devenir des veaux. Je m'excuse, mais c'est comme ça. Le lait de vache, c'est fait pour qu'un veau, en 3 mois, il prenne 100 kilos. Pas fait pour le lait de vache. Et regardez, c'est tout ça qu'il faut changer. Après, on fait un gamin, vas-y. À la clinique, à la maternité où je suis allé, il y a une propagande. Il y a les laits qui viennent, ils nous donnent toute une mallette, déjà pour conditionner les parents. Achète-lui du lait et machin. Voilà, c'est ça. Et nous, on ne fait pas gaffe. Parce qu'on est assisté. Et c'est trop facile, ça. Après, les parents qu'on voit, on leur donne des tables. Mais t'imagines, donner à un petit gamin, après on dit, ouais, ils sont vachement doués, ils sont nés là-dedans. Mais c'est normal. Si tu lui donnes autre chose, dès qu'il est nourrisson, au lieu de donner un téléphone portable, tu donnes autre chose, bah, il va être ponctueux dans ce que tu lui donnes. C'est ça. Tu vois. C'est déjà se questionner comment les parents, les enfants viennent au monde. Ils viennent pas par hasard. Donc nous sommes responsables. Oui, on avait parlé de la question de la responsabilité aussi la semaine dernière. Actuellement, le mode d'éducation qu'on a nous déresponsabilise, nous apprend à nous référer toujours à un tiers qui va prendre des décisions pour nous. Et en fait, le responsable, même s'il y a une bagarre, quelque chose, il faut se référer au tiers. Donc le responsable, c'est toujours le responsable, d'ailleurs. Voilà, celui qui est nommé en tant que... Et c'est ça où il y a aussi, du coup, une répétition derrière chez l'adulte qui n'est pas responsable ni de ses actes ni de ses paroles, parce qu'en fait, on lui a toujours appris qu'il y avait quelqu'un qui serait responsable pour lui. Et donc, c'est aussi à ne pas mettre en place chez les enfants, quoi. Il y avait qui d'autre qui souhaitait intervenir? Oui. Oui, donc pour venir à essayer de synthétiser un petit peu là, toutes les idées qui se sont dites, forcément, et en dernière, et je tenais à le répéter ici, c'est que du coup, il faut inclure les parents dans ce système entre guillemets éducatif. Alors, je pense que effectivement, dans ce qui pourrait être faisable, c'est de proposer. Alors, moi, j'ai ça sous la forme d'un programme, mais le mot est pas terrible, mais plutôt une sorte d'agenda avec des plages, en fait, des plages où en gros l'enfant serait avec ses parents, et des plages où, parce que c'est aussi important que l'enfant soit entre guillemets mélangé avec, faire ses propres expériences. Et effectivement, permettre un petit peu ce qui se faisait avant quand on était dans la rue et qu'en gros nos parents ils nous laissaient un peu nous démerder dans la rue, mais bon, ils nous surveillaient un petit peu avec un petit peu de loin, mais trouver des temps comme ça, des espèces de temps forts et des temps un petit peu plus faibles. Et surtout, c'est ce que j'avais dit, en fait, pour organiser cette façon de faire, mais c'est beaucoup plus large que l'éducation, c'est-à-dire qu'il faut voir avec soit l'entreprise ou la PME ou peu importe et dire bah voilà, trouver une façon d'organiser son travail pour se donner du temps pour pouvoir être proche de ses enfants et les élever et partager, enfin entre guillemets les élever, partager des moments avec eux, etc. Aujourd'hui vous avez France, il y a une boiserie qui a une forme juridique très particulière. Dont on avait fait un documentaire, on avait fait la projection avec Écologie Debout au cinéma La Clé il y a quelques temps. Et en fait, ils gagnent moins, mais ils ont un emploi du temps qui leur permet d'avoir du temps avec leurs enfants. Et ils ont créé en plus à côté des systèmes entre guillemets alternatifs avec une crèche gratuite dans le village, donc ce qui leur permet d'avoir moins de dépenses et de pouvoir avoir un prêt, et de la vente directe de fruits et légumes qui leur revient quand même beaucoup moins cher que dans les supermarchés. Donc quelque part, le pouvoir d'achat qu'ils peuvent perdre en gagnant moins, ils le récupèrent autrement, et surtout ils ont un temps de travail qui est organisé par rapport à leur vie personnelle. Donc il faudrait trouver cet équilibre. Et avec des, comme je disais, avec des temps plus collectifs et des temps plus, entre guillemets, plus en famille. Et il faut vraiment inclure les parents, quitte à ce qu'ils suivent leurs enfants, entre guillemets, à l'école et quand ils font leurs activités. Je dis n'importe quoi, si ton gamin, il kiffe la poterie, et va faire de la poterie avec lui, sois présent à ses côtés, encourage-le. Et voilà, des petites choses comme ça. Et il faut s'investir. Et je trouve que, en tout cas, dans la société idéale, c'est ce qu'il faudrait réussir à faire. Mais alors après, imposer, ça sert à rien d'imposer, mais en tout cas de proposer, d'organiser, de discuter. Et en même temps, on n'a rien à perdre, donc essayons, et je pense que ça ira que beaucoup mieux. N'hésitez pas, hein, ceux qui ne sont pas intervenus, faites un signe et je vous passe le micro. Oui, alors pour revenir à la question de la responsabilité des parents, effectivement, je crois que tu as tout à fait raison. Les parents ont une claire responsabilité. Mais le problème, aujourd'hui, sont eux-mêmes aliénés par le virtuel. Et donc, à partir de là, tu ne peux pas dire aux parents... Moi, je pense que l'idée de dire « Ouais, c'est à cause des gens, parce qu'ils ne sont pas responsables, l'écologie, c'est un problème individuel... » Je pense vraiment qu'il y a un conditionnement social, publicité, par le consumérisme, par les marques. Tout ça, ça produit un habitus auprès des populations. Et regarde autour de toi, moi, dans mon lieu de travail, 95%, voire plus, ont des portables. Et donc, ça serait trop facile de dire, bah, dans ce cas-là, et bah, tant qu'à faire, autant ne pas acheter, le problème est réglé. Je pense qu'il y a quand même une sorte d'idéologie dominante qui conditionne les foules et qui les incite à acheter des portables, des tablettes. Et par effet miroir et mimétique, les enfants font comme les parents. Et donc, je te rejoins sur la responsabilité, mais je pense que c'est un argument qui est, on va dire, nécessaire, mais pas suffisant, de mon point de vue. Et par rapport à l'école, je pense aussi, par rapport à la question de la pratique, qu'on pourrait aussi imaginer couper entre la théorie et la pratique. Pour pas faire trop, mais ça coûte de l'argent, encore une fois. Et puis enfin, là je reviens à Rousseau, dans l'Émile sur l'éducation, il explique clairement que la technique a une responsabilité sur l'aliénation des gens. Et qu'il propose justement, lui, de revenir au village. Lui, ce que voulait Rousseau, c'était faire un impôt sur tous les produits de luxe et utiliser cet impôt pour aider le monde rural, pour inciter les gens à quitter les grandes villes et à retourner vivre dans le monde rural. Et de faire en sorte que les gens travaillent de leurs terres et consomment leur production. Ils auront un peu d'argent, quoi. Et donc, à ce moment-là, on se reconnecterait avec la nature. Et là, l'éducation, du coup, serait complètement transformée parce que l'ensemble des gens seraient transformés. Mais je pense pas que c'est en transformant simplement l'école qu'on pourra changer toute la société. Oui, qui souhaite réagir ? Oui. Bonjour. Ouais, moi j'aurais une question. Enfin, je me posais une question. C'est-à-dire que avec l'éducation, il y a beaucoup la question et le modèle de société qu'on souhaite, en fait. Et moi, par rapport à ce que j'ai entendu, finalement, la question que je me pose, c'est-à-dire si on veut changer l'éducation, est-ce que finalement on crée en quelque sorte une contre-culture ? Et je sais pas, on pourrait dire d'anti-monde en quelque sorte, enfin de, en gros, vivre marginalement. Ou alors, est-ce qu'il vaut mieux essayer de transformer le système de l'intérieur, en fait? Parce que le problème, c'est qu'on pourrait réformer l'éducation, mais c'est-à-dire que faire des choix, par exemple, refuser ce système éducatif qui repose uniquement sur la formation professionnelle, etc., sans inculquer de valeurs morales, tout ça. Le problème, c'est que si on refuse ça, est-ce que, d'un côté, on reste marginal par rapport au reste de la société? Donc, il y a un choix qui se pose, c'est-à-dire, est-ce qu'il vaut mieux essayer de réformer le système de l'intérieur et, en quelque sorte, accepter le compromis ou rester marginal, en fait? Je me pose surtout, parce que, voilà, moi, je suis en prépa littéraire, donc, je veux dire, enfin... Je suis en plein dans le système éducatif et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que je trouve qui sont que l'on pourrait réformer, qu'on pourrait mieux faire. Mais que d'un côté, je me dis, moi j'aimerais bien en faire qu'à ma tête des fois, parce que je sais que je pourrais faire les choses mieux, moi tout seul plutôt que dans le système. Mais d'un autre côté, j'ai pas non plus envie de m'isoler et de sortir complètement du système parce que je me tends toujours. Donc la question se pose en fait, je me dis, est-ce qu'il vaut mieux essayer de réformer les choses de l'intérieur et en un sens accepter le compromis ou être marginal, c'est toujours un choix difficile, je sais pas, la question se pose d'après moi. Au niveau de l'éducation, il y a toujours finalement de l'intégration dans la société, quoi. Enfin voilà. C'était la question que je me pose. Oui, oui, tout à fait. Bon, en sachant qu'aujourd'hui on est sur le thème les enfants, mais en fait, on fait tous les thèmes. de la le gouvernement dans la société idéale, le commerce dans la société idéale, les voilà. Donc il y a tous ces points-là. Et c'est vrai que très souvent, on en arrivait en développant les autres thèmes à « mais en fait, tout commence par l'éducation ». Très souvent, on revenait à ça, mais c'est un peu l'histoire de la poule et de l'œuf, quoi. De toute façon, l'autre, tout va ensemble. C'est... qui souhaite réagir? Oui, je sais pas, il y avait pas quelqu'un avant? Non. Oui, alors pour parler de justement du changement, j'ai rencontré justement, ça fait moins de 30 ans que je m'occupe d'éducation alternative, d'éducation populaire, entre autres, après le travail justement. Et c'est quelque chose, les gens que j'ai rencontrés qui n'étaient pas dans le système scolaire traditionnel, mais qui étaient libres d'apprendre comme ils voulaient, c'est-à-dire qui ont appris dans leur enfance, qui ont appris la liberté. À partir du moment où ils choisissaient de rentrer dans une filière normale du bac ou n'importe quelle autre grande école, c'était leur choix. Donc ils étaient en mesure de travailler même 8 heures par jour s'il fallait pour pouvoir récupérer le niveau, et ils y arrivaient très bien. Et même dans d'autres domiciles, justement, qui ne voulaient pas aller à l'école, qui ne voulaient pas travailler à l'école. Et on les laissait faire, même pendant 3 ans. Mais à partir du moment où vous avez décidé, eux, librement d'étudier, en un an, ils récupéraient les 3 ans qu'ils avaient perdus. C'est pas si compliqué que ça. Parce que l'être humain, et surtout l'enfant, a énormément de capacités à partir du moment où c'est lui qui choisit. Et je crois que ce qui va pas à propos de la responsabilité aujourd'hui, surtout, c'est que eux-mêmes ne sont pas libres. Donc c'est difficile d'élever des enfants libres quand on ne l'est pas. Mais ce qui est sur quoi on peut agir, c'est le fait que les enfants sont pour les marques, pour les entreprises, pour la société. Et c'est ça qui fait que déjà, les parents ne sont pas à responsabilité, parce que c'est dans le marché, il y a des experts pour s'occuper de tous les problèmes. Tout est problématique. À chaque fois, il y a un expert qui amène des solutions. Les enfants ont tous des problèmes. Et je ne me rappelle plus. Ah oui, l'antidote, en fait, c'est aussi bien pour les parents et surtout pour les enfants, c'est la confiance. C'est-à-dire, dès l'enfance, comme me disait par exemple, c'est ce qu'on fait au Japon, mais ça se faisait ici aussi naturellement partout, c'est de se faire confiance. Aujourd'hui, s'il ne sait pas où est son enfant, au bout de 5 minutes, il panique. Et c'est complètement débile. Parce qu'il sera jamais libre s'il est toujours en lien avec ses parents. Il a besoin de... Pour moi, c'était tout à fait normal pendant toute la journée. Des fois, je ne rentrais même pas manger. Mais mes parents ne s'inquiétaient pas, c'était pas un problème. Ils savaient que je faisais autre chose. Moi, je rentrais avec les habits déchirés, tout ce que, avec des, comment on dit, des cicatrices, et c'était pas un problème. Bon, aujourd'hui, ce ne serait pas possible, c'est sûr. Mais en même temps, si on sort de l'idéologie du marché, à ce moment-là, on peut se faire confiance. On peut réapprendre la confiance. Et apprendre la confiance d'aujourd'hui, même au téléphone, sans le portable, sans savoir à chaque instant où sont. On les géolocaliser ses enfants. Ça, c'est un truc que moi, je ne supporterais pas aujourd'hui. C'est-à-dire, si mes parents avaient un truc comme ça, je le casserais tout de suite. Donc là, tout à l'heure, on disait que manquaient les enfants sur la place. Et je trouve que ce jeune qui vient d'une prépa littéraire, ce qu'il vient de dire, c'était intéressant. Et il a ouvert une porte. Et il rejoint l'idée que si, admettons, en septembre, on va dans l'établissement où il se trouve actuellement, que lui participe à une réunion pour justement aller vers le changement, lui, il peut amener en tête, peut-être que d'autres ont déjà quelque chose en tête, qui sait, peut-être même les professeurs, et peut-être que là, il y a un noyau qui pourrait se mettre en place pour aller vers ce qu'on appelle le changement. Voilà. Bon, Bonjour, bah, ça fait longtemps que j'ai pas pris la parole sur la place de la Répu. Hein. Mais un tout petit peu, là, je passe et j'écoute, et en même temps, ça me fait penser à une petite place aujourd'hui de l'éducation. Qu'est-ce qui s'est passé ces 30 dernières années ou ces 40 dernières années au niveau de l'éducation, où petit à petit, on est passé d'un système d'instruction où on était là pour former des, entre guillemets, citoyens, où maintenant on demande effectivement de former des gens immédiatement employables. On a totalement modifié le but de l'éducation, et avec un certain nombre d'aberrations. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on demande à former des gens qui soient immédiatement employables, on est en train de développer une pédagogie centrée sur l'apprenant comme justificatif, comme si effectivement un gamin en cinquième ou en quatrième, son objectif c'était de se poser la question de comment est-ce que je vais commencer à bosser. C'est-à-dire qu'on en arrive à vider complètement le sens de ce moment, de grand moment de passion, qui est le moment où on s'enrichit, où on apprend à comment on vit à l'intérieur de la société, au bénéfice de comment est-ce que je vais pouvoir demain travailler. Et en sachant en plus que la question de comment est-ce que je vais demain pouvoir travailler, c'est comment est-ce que demain je vais pouvoir avoir un suffisamment important pour être facilement adaptable dans l'entreprise, puisque de toute façon, le diplôme qu'on va me donner ne sera plus celui en cours dans l'entreprise. Et on me dira, vous n'êtes pas suffisamment qualifié. Par contre, vous avez un phénomène d'adaptabilité à l'emploi, une vraie réflexion à avoir sur la réintroduction à l'intérieur des études de ce qui a été supprimé au fil des années. Dans les années 74-75, en même temps qu'on mettait en place les chalands de net, qui a été la grande mutation aux Français de devenir tous propriétaires. Tout le monde sait que les propriétaires revendiquent moins le changement dans la société. On a en même temps diminué le nombre d'heures d'histoire. On a diminué le nombre d'heures de philo. C'est-à-dire toutes les matières qui permettaient d'être un individu pensant, un individu capable de critique vis-à-vis de la société. C'est clair que quand on a étudié l'histoire ou quand on a étudié la philo, eh ben on écoute, on est un peu moins perméable à un discours de haine, à un discours de rejet de l'autre. Quand on a un peu compte que tout le discours autour des migrants, l'Europe ne s'est bâtie que par des vagues successives de migration. Il y a toute une réflexion, toute une série de choses à refonder, et en même temps à dire comment est-ce qu'on on a un système d'éducation qui n'est pas aux enseignants, mais c'est la société en entier qui a un rôle d'éducation, c'est-à-dire que c'est un ensemble, c'est la société, c'est le milieu familial, c'est l'environnement local, c'est les médias, et c'est l'éducation, en sachant que l'éducation nationale, elle a un rôle d'instruction, donner des bases théoriques, permettre à des gens à un moment donné de théoriser. Voilà, c'est quelques bribes de réflexion comme ça en passant. Oui, et ça faisait d'ailleurs partie des propositions sur tout apprentissage. Il y a aussi l'ouverture à une critique de cet apprentissage. Qu'il n'y a rien qui soit considéré comme une vérité absolue, qu'on fasse à chaque fois un rapport historique par rapport à ça, aussi une réflexion culturelle, enfin voilà, d'où ça vient, comment ça s'est mis en place, dans quel but, dans quel système, et qu'est-ce qu'il en reste maintenant, ce que ça a produit. Oui. Pour aller dans le sens de ce qui vient d'être dit, on pourrait prendre, c'est vrai que dans l'enseignement, il y a toujours une part d'idéologie, dans le sens où la lecture qui est faite des matières. Prenons par exemple l'histoire de comment a été enseignée en France l'histoire de la Révolution française. On voit que dans un premier temps, il y a eu une lecture anti-révolutionnaire, parce que pendant la Révolution, il y a eu ce qu'on appelait les émigrés, généralement des nobles, qui ont eu le temps de décrire comment se passait la Révolution française. Et quand il y a eu le moment de la Restauration, donc du coup dans les écoles, les livres qui enseignaient la Révolution française étaient majoritairement une lecture révolutionnaire, hein, qui disait la Révolution, la Terreur, c'était horrible, etc. Bon, ensuite, avec donc ça c'est la première partie. Ensuite, avec notamment par la suite, il va y avoir du coup une lecture orale, donc on va avoir une interprétation de la Révolution française qui n'est plus conservatrice mais libérale. Ensuite, on va avoir une interprétation qui sera conservatrice libérale, et ensuite avec l'avènement de la Troisième République, on va avoir une nouvelle interprétation qui va être l'interprétation classique, voire jacobino-marxiste, où là, on va avoir une lecture de la Révolution française qui va dire, ben non, la terreur, le peuple, qui va en quelque sorte défendre le peuple. Alors qu'avant, on nous avait expliqué que le peuple français était horrible, que c'était des massacreurs. On va avoir une nouvelle doctrine avec François Furet qui va enseigner une lecture de la Révolution française qui sera libérale, voire néolibérale. Où là, donc à chaque fois, en fait, selon le pouvoir en place, on va enseigner une lecture, une interprétation de l'histoire qui sera conforme à l'idéologie dominante. On le vérifie, comme vous le dites aujourd'hui. Donc, l'enseignement vise précisément toujours l'efficacité. Toujours l'idée de... Donc on est dans un enseignement libéral, où il y a une idée... On enseigne les mathématiques, non pas dans un but d'abstraction, etc., mais dans un but purement d'efficacité. Et donc à partir de là, ça pose la... Et de l'idéologie à l'école. Comment désidéologiser l'école, en fait? Ou comment poser à l'école, justement, la question de l'idéologie directement? Enfin, bref. Qui souhaite réagir à ce qui vient d'être dit, ou sur... sur les propositions. Alors, on n'a pas tout à fait traité, du coup, ce qui serait de l'école obligatoire ou non obligatoire et de l'accès gratuit à l'éducation. Je crois qu'il y a eu au niveau de l'éducation un certain nombre d'expériences qui ont été menées. Il y a les écoles de Sébastien Faure, la ruche de Sébastien Faure, qui était là effectivement pour former au début du 20e, en réaction à l'école de Jules Ferry, parce que l'école de Jules Ferry, c'était aussi à un moment donné à des jeunes un minimum d'instruction qui leur permettait effectivement d'être adaptables. Hein. On était déjà dans cette logique. Et il y a eu la ruche de Sébastien Faure et toutes les expériences menées par les libertaires, que ce soit Francisco Ferrer à l'étranger ou autre, qui étaient effectivement de former des personnes capables, et je crois que c'est la base de ce que doit être l'école, des gens qui soient capables de se poser la question de pourquoi quand on leur dit quelque chose. Pourquoi cette chose? Pourquoi et le pourquoi pas? D'alterner systématiquement entre ces deux choses. Et je crois que ça devrait être une des revendications de base dans une société qui se veut une société évoluant vers un minimum d'égalité, de fraternité, de ça, de repositionner l'école autrement que comme un lieu d'apprentissage bête, d'un lieu où on est là pour gaver le cerveau des gens en fonction des desiderata du chef. Enfin, du chef de ceux qui sont qui détiennent le pouvoir, mais effectivement permettre une réelle pensée critique. Et je crois qu'on devrait aller regarder effectivement du côté de toutes ces expériences. Il y a eu l'expérience du LAP à Paris, il y a eu l'expérience après 68 de Paris 8, du premier Paris 8, où effectivement on a essayé de dire que l'éducation n'était pas forcément réservée à des gens qui avaient suivi un cursus scolaire jusqu'au bac, mais que y compris des personnes qui avaient eu une expérience professionnelle pouvaient parfaitement repartir et rebasculer à l'intérieur des études supérieures. Il y a aussi le fait que l'éducation, enfin un système national d'éducation automatiquement génère une bureaucratie et génère une bureaucratie qui a tendance à vouloir tout normaliser. Oui, du coup moi je pour rebondir sur la gratuité de l'éducation, je crois que c'était ça, que c'est gratuit l'éducation, oui, tout à fait. Du coup, je voudrais ouvrir une méga grande porte, et un peu polémique, mais c'est pas grave, on est avec Duke Pop, sur effectivement les écoles privées et l'enseignement religieux. Aujourd'hui, on entend de plus en plus de parents qui veulent mettre leurs enfants dans des écoles privées, parce que voilà, ils ont tout un tas de raisons plus ou moins valables sur l'enseignement et des idées reçues sur l'enseignement public. Et on a aussi de plus en plus, ça je me permettrai pas de le dire parce que j'ai pas de chiffres et je ne connais pas, mais on entend de plus en plus de gens qui mettent leurs enfants et peu importe la religion, on s'en fout en fait, dans des écoles qui finalement je pense sont privées dans leur forme, mais avec un enseignement bien particulier. Et voilà, donc c'est, enfin en tout cas moi dans la société idéale, très honnêtement, en tout cas mon souhait c'est de tout ça, c'est de rendre gratuit l'école pour tous et même un enseignement qui est dit entre guillemets supérieur, et de le rendre possible à toutes et tous. Et concernant la question de la religion, enfin en tout cas c'est mon sentiment et c'est mon partie des cloisonnés et tout ça. Et je pense que après chacun fait ce qu'il veut, faut être tolérant, mais il y a des trucs qui sont, comment dire, un petit peu c'est un petit peu tendancieux, quoi. L'enseignement religieux, je sais pas, c'est un truc que je sais pas trop comment l'exprimer, je suis un peu maladroit, mais je suis pas vraiment pour, en fait. Je sais pas, il y a un truc qui se mélange pour moi pas très très bien. Oui, donc bien sûr vous avez le droit de pas être d'accord, hein. Alors concernant l'accès gratuit à l'éducation, je me dis, bon bah déjà il faut peut-être que toutes les fournitures scolaires ne soient plus dans les supermarchés, mais que les fournitures aillent dans les écoles, hein. Et puis voilà, au moins déjà il y aura cette gratuité, il n'y a plus besoin d'acheter les fournitures scolaires, les élèves les trouveront. Les fournitures scolaires dans les établissements scolaires, et puis le fait que si certains doivent prendre le bus, qu'il n'y ait plus ce pass imaginaire ou quoi que ce soit, qu'ils puissent prendre les bus gratuitement. Donc voilà. Oui, vous souhaitez réagir ? Juste pour dire que maintenant j'ai l'âge qui me permet de regarder derrière moi, et ayant grandi à Aubervilliers, les fournitures scolaires étaient, les livres étaient fournis. C'est depuis les années 80 que c'est fini tout ça. Donc ça a existé, c'est possible. Simplement, il y a des générations, comme m'a dit mon fils, c'est vous qui avez tout laissé se dégrader. Et c'est vrai que on l'a laissé partir. Aujourd'hui, on voit bien que ça continue. Comme il n'y a que 1 sur 10 qui a voté pour Macron, on verra pour l'avenir. Mais aujourd'hui, ils ont tous les pouvoirs. Donc on verra. Est-ce qu'on réagira ou pas ? Merci. Ouais, alors moi je veux juste rappeler un point important, en fait. Le problème, ce qui me dérange avec l'école publique, c'est qu'il y a des gens, ils habitent dans des quartiers, entre guillemets, des quartiers qui sont catégorisés comme des quartiers qui craignent, en fait. Et du coup, les parents, comme ils veulent pas forcément déménager ou qu'ils veulent pas forcément changer de quartier, ce qu'ils vont faire, c'est comme ils ont pas le droit, avec le système de carte scolaire, ils ont pas le droit d'envoyer leurs enfants dans n'importe quelle école, ceux qui ont les moyens, ils vont être dans des écoles privées, et du coup, ceux qui n'auront pas les moyens, ils vont rester dans les écoles publiques. Et du coup, ce qui va se passer, ça va faire que les riches vont rester entre eux, les pauvres vont rester entre eux. Donc forcément, il y aura une division sociale. Donc forcément, ça va créer un conflit social important. Et je pense que le vrai problème, ce qu'il faut régler, c'est qu'il y en a qui ait de l'argent qui parte ailleurs et une partie qui n'a pas d'argent qui soit obligée, entre guillemets, de subir le fait qu'il y ait de mauvaises écoles. Et du coup, tout le monde s'en va, du coup. Du coup, après, le gouvernement va dire, vous voyez, cette école, elle est pourrie parce qu'il y a des violences. Et dans les écoles où les gens ont de l'argent, on va dire, ils payent, du coup, ils ont un meilleur service. Je crois que sur les écoles privées, pour loin de moi, l'idée d'interdire les écoles privées, je pense que je suis trop amoureux de la liberté pour considérer qu'on doit obliger les gens à aller à l'école publique. Mais je crois qu'il y a par contre, il y a autre chose. C'est considérer que à école privée, financement privé, à école publique, financement public. Or, il s'avère que depuis les années 50, la règle en France, c'est l'école, l'éducation nationale est financée par les impôts, point barre. Les écoles privées, théoriquement, sont financées par le privé. Et depuis les années 50, il y a toute une série de dérogations qui ont été mises en place, qui font que, je crois que c'est en 56, je me rappelle plus le nom de la loi, dans un premier temps, on a autorisé sous contrat. Ensuite, en 84, on s'est quand même pris une grande claque dans la gueule en 84. Je sais pas si ça vous rappelle. D'accord. En 84, il y a un monsieur qui s'appelait Savary qui voulait effectivement séparer complètement les deux champs, dire école privée, école publique, financement public. Et on s'est retrouvé avec une énorme manifestation, un énorme mouvement de droite, et Mitterrand qui a cédé. Malgré l'énorme manif, je crois que c'est une des plus grandes manifs que j'ai faites pour la défense de l'école publique On a défilé pendant plus de 8 heures à défendre et on n'a pas réussi à gagner à ce moment-là. Mais je crois que c'est ça. Si les gens sont libres pour moi de mettre leurs enfants dans une école privée, au même titre que les gens pour moi devraient être libres de pouvoir éduquer leurs enfants à la maison s'ils le souhaitent, à condition qu'ils garantissent l'acquisition d'un certain nombre de savoirs. Par contre, ce qui est inadmissible, c'est qu'aujourd'hui, on paye des profs dans le privé, c'est qu'aujourd'hui on finance des cantines dans le privé, c'est qu'aujourd'hui dans un certain nombre de départements on finance des écoles privées. Hein, il y a des départements, le délit de Villiers qui est tristement célèbre pour l'avoir fait, où effectivement il y a des écoles privées qui sont financées sur fonds publics alors que théoriquement c'est interdit. N'hésitez pas, faites un signe si vous souhaitez réagir, hein, c'est un débat ouvert. Oui, alors il y a juste... Moi, en fait, je voulais réagir surtout sur ce que dit l'école privée. Moi, je pars du principe, en fait, que j'interdirais tout simplement tout ce qui est l'école privée. J'interdirais en France, pour moi, puisque je pars de Sion, c'est tout le monde a le droit d'être éduqué et ça doit être gratuit, parce que ça doit être un service. Ça doit être un service. Donc, pour moi, déjà, rien que tout ce qui est université et tout ça, moi, je ne mettrais plus dans le privé, je mettrais toutes ces écoles-là publiques pour que tout le monde puisse y aller. Et que même les gens qui viennent de quartiers sensibles ou des quartiers pauvres de France puissent avoir droit à être éduqués dans des universités pour acquérir du savoir. Donc moi je parle juste sur un principe que je voulais donner. Oui, notre ami chevelu nous a dit qu'en 84 il avait eu une grande baffe, mais faut pas oublier qu'en 83, c'est le moment où le Parti Socialiste a choisi d'être ultralibéral, que ça s'est poursuivi jusqu'à aujourd'hui. Le fils de Macron, de Hollande, c'est-à-dire Macron, qui est le Hollandais volant, il continue. Donc depuis cette période, dans le même truc. Donc maintenant, s'agissant... des universités publiques et tout ça, c'était public quand j'étais jeune. Tout était public. C'est qu'on l'a... C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que ce que tu demandes, c'était là. Mais on a voté socialiste, on a voté pour... Et aujourd'hui, c'est pas le gouvernement du peuple, comme devrait être la démocratie, c'est le gouvernement du peuple par ses représentants, ce qui n'est pas du tout pareil. Et eux, ils défendent leurs intérêts. Et si leur intérêt, c'est de bien vivre et d'aller à la soupe, nous, on compte pas. N'hésitez pas, faites un signe si vous souhaitez poursuivre... le débat ou repartir sur les autres propositions. Si avancer dans les propositions, le fait de ne pas brider l'imaginaire des enfants, et notamment, je crois que dans ce qu'on avait dit de façon très concrète, c'était par exemple que des enfants puissent écrire une histoire, un rêve, etc., et que cette histoire-là soit lue à l'ensemble de la classe. Et comme ça, il y avait un échange autour des imaginaires et des histoires qui pouvaient être racontées, et que ce soit pas on produit quelque chose pour l'enseignant qu'il corrigera, que chaque chose produite soit en fait produite pour tous les autres à chaque fois, et non du multiculturalisme et de l'ouverture et de l'apprentissage aux autres cultures. Et où il y avait aussi la possibilité qu'un enfant puisse venir raconter comment ça se passe chez lui, d'où est-ce qu'il vient, comment est-ce que ça peut fonctionner différemment, etc. Et qu'il y ait des débats et des échanges là-dessus à l'école. Donc ça, parce que c'est très compliqué à mettre en place, je pense pas d'ailleurs. Alors moi j'aimerais rebondir sur deux, trois trucs que j'ai entendus. On a parlé de la responsabilisation des parents sur les enfants, mais malheureusement aujourd'hui les parents deviennent de plus en plus comme des enfants. C'est-à-dire ils veulent s'amuser, surconsommer, et ils le reportent sur leurs enfants. Ensuite, par rapport au... Je suis plutôt d'accord avec mon ami Boris, il faut que tout reste public, parce que on commence par les écoles, par arriver à la SNCF, à la Sécurité sociale, on capitalise tout de plus en plus, alors que le service public, quand même, offre de meilleures choses que le privé. Vous voyez ? Et c'est pour ça que je défends fortement le public. Quand on arrive, par exemple, à Capou, on voit un exemple très simple, hein, la SNCF, qui est capitalisée maintenant à 49%. Il y a de moins en moins de TER dans les provinces, mais on met de plus en plus de TGV, parce que les TGV, c'est rentable. Et à chaque fois qu'on privatise quelque chose, ils vont aller où c'est rentable, et non pas dans l'intérêt, notamment des enfants, pour les privatiser. Ils vont aller que dans le rentable, comme toujours. Ouais, alors le problème en fait c'est que si on commence à, je suis d'accord avec ce que Edouard il a dit, si on commence à privatiser les écoles, ben le problème c'est que qu'est-ce qui va se passer pour les gens qui n'ont pas d'argent, les gens qui débarquent en aucun moyen de. Qui ont déjà du mal à se payer un logement, qui ont déjà du mal à faire vivre une famille, qui vivent dans des familles de 5 enfants, qui vivent dans des HLM où ils sont serrés, qui habitent les uns sur les autres, comment ils vont faire pour envoyer leurs gosses à l'école en fait? Donc c'est. Je rejoins son idée, mais c'est vraiment important de déjà de garder la possibilité aux gens d'aller dans toutes les écoles qu'ils veulent. De façon totalement gratuite, sans enfin, voilà. Oui, tout à fait. En plus, le fait qu'il y ait du privé fait souvent descendre le niveau du public. Et ce qu'on répond aux personnes qui ne sont pas contentes, c'est bah, « vous avez qu'à les mettre dans le privé ». Voilà, cette possibilité-là, vous avez qu'à choisir le privé plutôt que de vous plaindre de comment ça se passe dans le public. Alors, je donne d'abord la parole parce qu'il n'a pas parlé, et puis après, je te la passe. Alors, je suis désolé, je vais mettre une petite couche de pessimisme. Dans les années fin des années 90, il y a un rapport de l'OCDE, l'Organisation du Commerce et du Développement Économique, qui a pondu un rapport en Europe, et en particulier sur l'éducation en France. Et le principal reproche qui avait été fait à l'éducation nationale en France, c'est que l'éducation publique n'était pas rentable, et qu'il était nécessaire de passer à un autre mode de fonctionnement de l'éducation en France. Et bah, si vous n'êtes pas content de l'éducation nationale, bah, vous mettez votre gamin dans le primé. En fait, ce n'est pas parce que l'éducation nationale, on s'en fout, c'est parce qu'il faut la démanteler. Parce que si on passe sous une éducation privée, et donc à caractère commercial, qui peut être plus facilement sponsor, qui peut générer des bénéfices, on arrive sur une éducation qui va être rentable et qui rentre dans une logique de développement économique mondial. Voilà, je suis désolé. Hein. Je crois que je vais revenir sur le privé parce que c'est sur le privé. Si le privé aujourd'hui arrive à ramener un certain nombre de personnes chez eux, c'est tout simplement parce que pour une bonne part, la plupart de leurs frais de fonctionnement par l'État, par le public, et c'est pour ça que je dis plutôt que d'interdire, autant leur couper la source de financement. Et par contre, ce qu'ils ont le droit de faire, ce que n'a pas le droit de faire le public, ils ont le droit de faire des sélections à l'entrée. Sur les élèves qui prennent, c'est effectivement d'être bon et d'afficher des bons résultats quand on prend des gens en seconde qui ont un tel niveau et qu'en terminale on se rend compte qu'il n'en reste plus que 30% parce qu'au fur et à mesure on les a fait partir, mais qu'en contrepartie tous les frais, les 40, les 100 ou 400 euros que payent les parents ne correspondent pas aux frais de l'école dans leur globalité, mais uniquement à des frais annexes. D'accord. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, l'important c'est d'interdire les financements publics et non pas d'interdire aux gens d'aller dans les écoles privées. Ça c'est un choix individuel. Tu ne pourras pas l'empêcher. C'est pas, et en plus moi ça m'apparaîtrait comme ostentatoire à la liberté. Mais par contre, dire effectivement si vous y allez vous qui le financez intégralement, je pense qu'il y aura beaucoup moins de personnes qui iront dans le privé. Je pense effectivement qu'il y a beaucoup de personnes qui iront dans le public et qui se battront pour qu'il y ait un public de qualité, pour qu'il y ait un véritable public de proximité qui soit un public de qualité, et à ce moment-là on réussirait à avoir de la mixité sociale dans un certain nombre de bahuts. Ouais, mais après, moi, je trouve que l'école privée, ça devient un peu trop, comment expliquer, les gens, ils restent entre eux, et du coup, bah après, ils ont du mal à se mélanger. Par exemple, moi, je sais que ma sœur, elle est dans le privé, et l'autre jour, elle est rentrée chez moi, et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, ouais, maman, je viens de me faire, y a des gens, ils viennent de se foutre de ma gueule, il faudrait que tu m'achètes le dernier iPhone, ça passerait mieux à l'école. Il y a des gens, ils ont une autre mentalité, une autre vision de la société, et du coup, forcément, mélanger avec les gens du public, forcément, ça va faire des conflits sociaux qu'on aura du mal à gérer. Forcément, s'il y en a qui sont habitués à être entre eux, entre tout, avoir les dernières fringues, les derniers sacs à main, les derniers iPhones ou je sais pas quoi là, et bah du coup je pense que si on les mélange directement, ça va forcément faire des conflits qui ont un certain prestige social, et les gens qui viennent des quartiers quoi. Alors, En fait, je voulais apporter déjà une première information, je l'ai dit, par rapport au pourcentage. C'est pas qu'ils virent les jeunes, les jeunes qui arrivent pas. C'est que, de toute façon, les jeunes, si les parents payent, ils restent. Mais par contre, ce qu'ils font, c'est que quand ils arrivent en terminale, c'est que les jeunes qui ils savent leur diplôme, ils les font passer le bac en candidature libre. Comme ça, la candidature libre, ça fait que leur ça apparaît pas dans le pourcentage que eux ils ont au niveau de leur école, donc ce qui permet à ces écoles-là d'afficher toujours du 100% de réussite parce que le reste ça va dans la candidature libre. Donc ils ont mis en place où ils ont toujours du 100% grâce à ça. Deuxièmement, je suis totalement con. Pour moi, t'as largement tort sur ta réflexion. Puisque c'est aussi intéressant de savoir mélanger des gens pour aussi que les gens se rendent compte des uns et des autres et qu'à un moment si on fait pas ça on va faire qu'il y aura toujours les riches qui vont rester avec les riches, les pauvres avec les pauvres et tu verras la mixité sociale. Donc là dessus je suis complètement contre et je pense pas que ça va créer de problème. Et ça des jeunes qui ont 10 ans je pense qu'ils en ont un peu rien à péter de ces choses là à 10 ans tu t'en branles complètement. Donc je pense que ça te fera absolument rien parce que si dès le plus jeune âge tu habitues les gens à vivre ensemble sur différentes catégories sociales, automatiquement ça va développer plus de la critique et ça peut peut-être améliorer, ça peut que les gens seront plus sociaux entre eux. Donc je suis contre ton idée. Oui. Par rapport à l'école privée, on peut revenir à l'historiographie de l'enseignement en France. Je faisais référence à la période de l'âge classique de l'école historiographique française qui était d'influence jacobino-marxiste. Et à cette époque, la France défendait un État fort, un État républicain très puissant. Et donc là, l'État avait énormément de moyens. On bascule avec l'école dite libérale ou néolibérale, voire révisionniste, de François Furet et l'école des Annales. Ce qui est fait, c'est qu'on passe à une vision libérale. Et la vision libérale et néolibérale, et contre l'État. C'est-à-dire que l'oral est pour ce qu'on appelle l'État minimal. Donc ils veulent réduire au maximum l'État à ses fonctions régaliennes de sécurité, de justice. Et donc, s'il y a eu un développement d'écoles privées, ça s'explique là encore pour des raisons purement idéologiques. Parce qu'on est dans une libérale qui ne veut pas d'écoles publiques fortes avec beaucoup de moyens. Maintenant, par rapport à la question de l'imaginaire, et là on reviendra du coup à Jules Ferry, effectivement... Alors, un petit peu après Jules Ferry, au moment de Jules Ferry, il va y avoir l'affoncellement d'apprendre à lire, d'écrire et de calculer. Et jusqu'en 1904, en France, on enseignait ce qu'on appelle l'art rhétorique, c'est-à-dire l'art de la parole, savoir parler. Et à cette époque, l'idéologie dominante en France était le positivisme, qui était contre la métaphysique et qui contestait justement tout ce qui était de l'ordre du pourquoi. C'est-à-dire qu'il fallait absolument éliminer le pourquoi du champ des consciences pour le remplacer par le comment. Et donc, il fallait une éducation rationaliste où l'imaginaire était totalement, et la métaphysique, totalement écartée. À partir de là, dans l'idéal, on pourrait imaginer qu'on rétablisse l'enseignement de l'art rhétorique pour justement réactiver la capacité imaginaire des enfants et notamment l'enseignement artistique à l'école qui pourrait prendre une part beaucoup plus importante. Mais cela impliquerait encore une fois qu'on ne soit plus dans une société consumériste où on forme des consommateurs, mais qu'on soit dans une société véritablement démocratique, dans laquelle on forme des citoyens autonomes et libres, qui, comme à l'époque des Grecs, étaient initiés à l'harmonie et zik et à l'art, et qui apprenaient par la parole et par l'éthique de la discussion à vivre ensemble dans la fraternité. Merci. J'ai trouvé très intéressant tout ce qui a été dit, c'est tout simplement qu'il y a actuellement une lutte des classes. Il y a actuellement une lutte des classes, que cette lutte des classes existe à l'école, et que l'école c'est une lutte de classe. Et d'ailleurs on peut le voir, puisqu'aujourd'hui je crois que c'est 30% des gamins qui arrivent en 6e qui ne sait ni lire ni écrire. Donc je pense que quand même il faudrait retourner de l'instruction en France, c'est-à-dire déjà apprendre aux gamins à lire et à écrire, ce qui serait déjà pas mal, et peut-être même à compter pour les plus extrémistes. c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une destruction de l'éducation nationale, enfin de l'instruction nationale, parce que l'éducation nationale, ça me plaît pas trop comme nom. C'est pas à l'État d'éduquer nos gamins, et c'est à nous. On a une responsabilité de parents. Et là, je vois pas trop comment ça va se goupiller, étant donné qu'aujourd'hui, je vois dans des villes comme Ivry, Aubervilliers ou tout ça, où des gamins de tous horizons, il n'y en a pas trois qui parlent le français. Et là, ça va donner quelque chose de... Ça va donner quoi? Je sais pas. Parce que pour rattraper, il n'y a pas rattraper les retards, tout ça n'existe pas. Donc, et c'est vrai aussi qu'il y a l'Europe qui, donc, maintenant, on n'est plus indépendant. Donc, on est obligé de souscrire à ce que nous demande l'Europe. Et plus l'Union européenne, oui, parce que l'Europe, ça comprend d'autres pays que l'Union européenne. Ça comprend notamment la Russie. Et donc, je vois pas trop comment est-ce qu'on va s'en sortir si on quitte. On est coincé, l'Union Européenne. Tant qu'on sera dans l'Union Européenne, on l'aura dans l'os. À qui la place ? Je passe ceux qui n'ont pas parlé, hein. Vous faites un signe et je vous passe le micro. Oui, si on veut une société libre, on peut pas faire l'impasse sur une école libre. Maintenant, comment il est simple, mais il faut déjà savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut vraiment être libre? C'est ça la difficulté. Et un élément essentiel que tu parlais de savoir lire et écrire comme fondamentaux, pour moi le fondamental est que les enfants puissent rencontrer, être amis avec des handicapés par exemple, pouvoir faire du sport par exemple, pouvoir faire de la musique, de la danse. Et ensuite, s'ils ont envie d'apprendre à lire et écrire, ils vont se démerder tout seuls. Ils ont pas. Mais il faut qu'il y ait la capacité de bouger en harmonie avec le milieu ambiant. C'est ça qui est le plus important. Après, ce qu'on appelle la culture, c'est pour les riches. Et c'est pas ça qui fait un homme, c'est ça qui fait un citoyen. C'est pas de savoir lire et écrire qui fait qu'un citoyen est vraiment citoyen. C'est comment il se comporte avec les autres. C'est ça qui est le plus important. Oui. Donc, moi, il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit. C'est tout à l'heure, on parlait de... Bon, qu'il y en a qui ne savent pas lire et écrire. Hein, mais on a oublié le côté, ce sont peut-être des personnes qui, sur le plan oral, peuvent très bien débattre. Ils ont peut-être qui enregistrent et tout ça. Donc, n'oublions pas le côté... oral qui peut être développé. Comme toi tout à l'heure, tu disais dans les écoles que les enfants écrivent leur propre histoire. Hein. Bah, peut-être que ceux qui ne veulent pas passer par l'écriture, leur ouvrir ce côté, si tu veux, par l'oral. Hein. Voilà. Et puis dans les classes où il y a des enfants qui parlent plusieurs langues, se dire que quelque part, ça peut favoriser les échanges, les rencontres et pourquoi pas des apprentissages qui peuvent être ouvrir. Un enfant peut-être va s'intéresser à une langue qui ne serait pas enseignée actuellement dans les écoles. Mais bon, la sonorité, et ça va lui permettre de s'ouvrir sur autre chose. Hein. Il reste à peu près une dizaine de minutes. Hein, donc, ouais, vas-y. Alors, moi, c'est rigolo tout ce que vous dites, mais là, j'ai vu, moi, il y a une dizaine de jours, j'ai eu une information où une maîtresse d'école... Et c'est comme ça qu'on dit aujourd'hui, hein, professeur des écoles, voilà, maternelle, réussissait à faire lire, à apprendre à lire aux enfants de 4 ans. Parce qu'elle avait trouvé une méthode pédagogique où elle arrivait à faire ça. Et du coup, l'éducation nationale est intervenue et lui a interdit de faire cette méthode. Alors peut-être que corps qui ont les idées et en plus les concrétisent et les réussit, qu'on puisse se mobiliser pour les aider, ces gens-là. Parce qu'ils doivent se sentir un petit peu tout seuls. Oui, tout à fait. Prendre toutes les choses comme ça qui marchent de façon un peu développée. Là, on retombe exactement dans ce que je disais, c'est-à-dire que c'est une volonté. C'est-à-dire que c'est pas fait comme ça, c'est pas un hasard. On bride et on sanctionne ceux qui ont grimpé le savoir des gamins. De la même manière que, par exemple, on tue l'histoire, parce que l'histoire, c'est dangereux. Il n'est pas question que les gamins connaissent l'histoire. Vous posez la question à n'importe quel gamin qui sait la guerre mondiale, ils vous disent tous les Américains. C'est idiot, mais ils le disent. Et donc, aujourd'hui, on a ce problème, c'est-à-dire qu'on est dans une vraie guerre de la pensée, où on guide les enfants pour devenir de bons spectateurs de Hanouna, mais certainement pas des lecteurs, enfin des lecteurs ou des gens qui regardent Onfray ou Polony, qu'on vient de virer d'Europe 1. Enfin, que Cohen vient de virer d'Europe 1. Et c'est ça aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est une vraie guerre et tout le reste, je pense que on va parler de plein de choses, mais du sexe des anges, tout ça, ça va être joli, mais on ne sera pas efficace. Eux, ils sont très efficaces, ils tapent là où ça fait mal. Faut pas que les gosses réfléchissent par eux-mêmes, faut pas qu'ils comprennent, faut pas qu'ils se sentent faire partie d'un groupe. Donc, on les divise. Moi, je vis dans une cité. Il n'y a pas de mixité sociale, c'est pas vrai. Ça, c'est bobos qui vivent tranquilles, loin des HLM. Il n'y a pas de mixité sociale. Ça n'existe pas. Pas aujourd'hui. Ça a existé dans le temps. Mais plus aujourd'hui. Et alors là, ça devient de plus en plus dur dans les cités. Bon, après, on peut ne pas vouloir le voir, ce que je comprends. Merci. Bonjour tout le monde. Moi, je vais réagir un peu en vrac sur tout ce que j'ai entendu ici. Voilà. Je suis d'accord avec monsieur par rapport à public-privé, effectivement. Je pense que la question de la liberté est fondamentale. Moi, je trouve complètement insensé d'interdire le privé. Il faut de tout. Et on a vu qu'il y avait des méthodes comme les méthodes Montessori, Freinet, qui inspirent maintenant l'éducation nationale. Le problème, c'est surtout le problème de classe. C'est ça le problème. Moi, j'ai eu la chance d'être artiste invité dans les lycées. Et je travaille dans les lycées aussi bien dans le 93 que dans le même au sein de l'éducation nationale. Je ne vous dis même pas le niveau. Comment ça change selon qu'on est dans le 93 ou dans le 16e arrondissement. Ce n'est pas du tout le même programme, même déjà au niveau de l'éducation nationale. Ça, c'est un des points qui me paraît absolument important de relever. Par rapport à... Il y avait une chose qui m'avait choqué. C'était quoi encore? Voilà, c'est dire ça. Voilà. Merci. Oui. Et je voulais soulever un autre aspect qui concerne qu'est-ce qu'on enseigne dans l'éducation. Par exemple, la question de la colonisation et de l'esclavage. Dans l'éducation nationale, il y a à peine une page. Pourtant, c'était l'histoire qui a construit la modernité en Europe, qui a construit l'Occident. Et ça, c'est complètement occulté de l'imaginaire des programmes. Et comment vous voulez construire dans le vivre ensemble avec tous ces univers, ces communautés qui vivent ensemble ici? Ça me paraît un peu compliqué. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire avec notre association dans le travail dans les lycées. Mais bon, on en parlera peut-être un peu plus tard. Merci. Merci à vous. J'aimerais poser une question, c'est de dire pourquoi éduquer les enfants? Pourquoi pas les accompagner à être s'ils sont? Les accompagner à ce qu'ils vont devenir. Tant qu'on parlera d'éducation, même éducation populaire, toujours d'éducation. Moi, je suis pour accompagner les enfants dans ce qu'ils sont. C'est comme faisaient les Amérindiens, qui ont été massacrés aussi, les Amérindiens. Ils ne donnaient qu'un prénom, un nom à un enfant, qu'à partir de 3 ans, à peu près. Ils l'observaient tel qu'il attribuait quelque chose. Ils ne vont pas attribuer un nom à un enfant alors qu'ils ne le connaissent pas. Donc, ils accompagnaient l'enfant. Si nous voulons vraiment réussir quelque chose, regardons les peuples premiers, comment ils éduquent leurs enfants, ceux qui n'ont pas été encore contaminés par les religions, comme en Amazonie, par les évangélistes ou des choses comme ça. Regardez comment ils font eux, comment font les Inuits, ceux qui restent encore des Inuits par exemple, comment font les gens du désert, comment ils font eux. Est-ce qu'ils savent lire, écrire, compter? Comment ils font? C'est nous qui sommes incivilisés. Les civilisés, c'est les peuples premiers, ceux qui restent encore, qui vivent dans les forêts, comme le peuple Kogi, par exemple. Ils sont complètement autonomes, autonomes en tout. Et ils nous appellent à nous. Vous savez comment les Kogi qui habitent en Colombie nous appellent, nous, les petits frères? Parce qu'ils savent, on est tellement ignorants. Vous voyez? C'est ça. Donc, arrêtons de dire éduquer, éduquer, éduquer. Éduquer, ça veut dire élever, ça veut dire élever. Élever la connaissance de l'enfant qu'il a déjà, l'inné qu'il a en lui. C'est pas éduquer. Éduquer quoi? Éduquer ce qu'il a en lui. Le faire sortir ce qu'il a en lui. S'il n'a pas envie de lire, s'il n'a pas envie d'écrire, il a autre chose à faire. Peut-être qu'il est télépathe. Est-ce qu'on connaît les dons extrasensoriels des êtres humains? Peut-être qu'il est télépathe, il n'a pas envie d'écrire, il communique par la pensée avec l'autre. Parce qu'on brive les enfants comme ça. Beaucoup d'enfants se trouvent dans les hôpitaux psychiatriques parce qu'ils voient des choses de l'invisible, par exemple. On dit qu'ils sont complètement cinglés, on leur met des drogues dans la tête. Ça s'appelle la métaphysique. Pourquoi on l'a coupé? Parce que c'est ça. Qui viennent des bleds comme moi, qui a été élevé dans les mysticismes, tous les enfants des bleds, comme j'ai grandi, ils viennent des bleds, ils ont autre chose. Eux, ils sont accrochés aux métaphysiques. Et nous, on veut les éduquer dans le rationnel, dans le rationnel. Même avec la bonne, nous, l'éducation populaire, même avec la bonne volonté du monde, on va toujours imposer quelque chose à l'autre. Donc si les enfants seraient là, comme mon gamin qui a 6 ans, on lui pose une question, je vous assure, à un gamin de 6 ans, vous lui tendez le micro et lui, il va vous répondre. Exactement ce qu'on est en train de dire. Moi mon gamin, il m'épate. Quoi? T'as déjà tout ça? C'est lui qui s'intéresse. Il me dit, papa, on va là-bas. Papa, d'accord, on y va. Papa, je vais aller là-bas, on y va. C'est lui qui décide. Par exemple, tout à l'heure, je parlais des tablettes. C'est lui qui décide, quand il a envie de jouer, de prendre la tablette. Il n'est pas accro à la tablette parce que je lui ai dit, la tablette, ça peut atteindre ton cerveau. Il a commencé à comprendre et c'est lui qui décide d'aller vers. Alors, il n'est pas, vous voyez, c'est lui qui décide. C'est lui qui décide d'aller vers ça, vers là, il va là. Et effectivement, dès qu'on le laisse, il commence à marcher, on le laisse, on a juste à l'accompagner. Il va à gauche, il va à droite, il tombe, il se lève, on l'accompagne. On est là pour l'accompagner, c'est tout. Hein. Voilà. Merci, c'est vrai que très souvent, on s'est appelé debout éducation populaire. Et en fait, ce qu'on répondait en général, c'est qu'en fait, ici, on s'éduque les uns les autres. Par l'échange, par le partage. Et... Oui, non, mais j'entends bien. Alors, pour aborder la question du mythe de favoriser les échanges et les rencontres, ce qui rejoindra en partie la métaphysique, je pense que l'art peut être un moyen justement de favoriser la solidarité entre les peuples. Et on pourrait imaginer par exemple d'utiliser un art, par exemple le street art aujourd'hui qui est très en vogue, et qui est un art de la langue, du langage des mots, et qui est aujourd'hui quasiment mondialisé. On pourrait organiser justement des échanges entre les classes qui seraient plus sur le mode de la compétition, hein, comme des matchs de foot par exemple, mais qui seraient par exemple sur la réalisation d'œuvres d'art collectives à travers lesquelles les cultures pourraient justement se rencontrer dans un dispositif fraternel et qui serait non pas qui reposerait pas sur une idéologie, mais tout simplement sur la beauté, sur le sentiment. Et donc ça reviendrait à la pensée romantique dans l'art qui neutralisait un petit peu la raison et qui voulait remettre en avant la question du sentiment. Je pense que ça peut être un outil intéressant pour favoriser la solidarité entre les cultures et la solidarité entre les peuples. Oui, tout à fait. Je pensais à ce que ça ne se... Très souvent, on est bloqué aussi par les barrières de la langue. Alors que de passer par le dessin, par toutes sortes d'arts, ça permet de créer des échanges, en effet, entre les personnes sans cette barrière de la langue. Moi, c'est juste pour rebondir sur ce que disait le copain tout à l'heure qui parlait d'accompagner. Éduquer, l'étymologie, c'est conduire. Donc, il n'y a pas de souci, hein, éduquer. Et par contre, je voulais aussi rebondir sur le fait, ouais, on s'éduque soi-même et tout. Attention, si on a 5 personnes qui ont un petit niveau, bah, ils vont pas s'éduquer beaucoup. Hein. Il y a un savoir quand même qui existe. Je suis désolé, quoi. Et puis le savoir, fallait le chercher, quoi. Donc ça, c'est important aussi. Ça existe, faut pas repousser les livres parce que voilà. Les livres, c'est important, on apprend plein de choses dans les livres. Enfin bon, voilà, il y a un savoir qui existe, faut arrêter de refuser au nom d'un certain élitisme ou je ne sais quoi. Enfin bon, parce que sinon, on reste tous au ras des pâquerettes. Hein. Voilà, c'est juste une remarque. Vous souhaitiez intervenir ? Comment ? Ah, d'accord. Non, mais c'est parce que. On m'a fait signe que vous souhaitiez intervenir, mais. Allez-y. Même comme j'étais pas là, je sais pas si. Je vais juste parler des croyances, telles qu'elles soient religieuses, laïques ou autres, d'où elles viennent. Nos savoirs sont faits de beaucoup de croyances. Je vais mettre dessus parce que ça devient même la base de notre réflexion. Et donc, apprendre à chercher, apprendre à se documenter est très important parce que ça nous voit. Et ne pas se contenter de faits déjà assimilés. Merci. Ouais, simplement une dernière intervention, simplement sur le côté. On a leur permettre d'apprendre tout seul. Moi, un jour, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelait Monsieur Desroches, qui était le fondateur du Collège coopératif. Collège coopératif, c'est une structure qui a été créée au moment de la décolonisation pour permettre effectivement, dans les anciens pays colonisés. Et Monsieur Desroches, un jour, on était en train de parler et je lui dis parler des autodidactes. Il m'arrête en me disant, il n'y a pas d'autodidacte, il n'y a que des sociodidactes. La personne, un autodidacte, c'est un inventeur. Un sociodidacte, et la sociodidacte, on apprend au contact des autres. On apprend parce qu'on échange, on apprend parce qu'on lit, on apprend parce que effectivement on regarde, parce qu'on compare et tout ça. Et je crois qu'un des buts effectivement de l'éducation, c'est de créer une gigantesque base de données où les gens sont en capacité de sociodidacte entre ce qu'on leur apprend de manière verticale qui descend et ce qu'ils vont échanger, ce qu'ils vont confronter les uns aux autres. Mon père m'apprend quelque chose et je crois que c'est vraiment un des plus beaux rôles qu'on pourrait donner à l'éducation. Merci. Un d'autres souhaite intervenir, un dernier. Enfin voilà, je prends un dernier tour de parole et après je fais la conclusion. Oui, je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire notre ami parce que il n'existe pas d'homme qui se soit fait lui-même. Il n'existe pas. On peut faire ce qu'on veut, ben non, parce que d'abord tu as des parents, tes parents ont eu des parents et ainsi de suite. Deuxièmement, quand tu nais. Tu te nourris pas tout seul, tu te soignes pas tout seul, il y a quelqu'un qui s'occupe de toi, il y a quelqu'un qui t'apprend une langue, parce que sinon tu parlerais une autre langue ou tu parlerais pas du tout, et un bébé qu'on met ici, là, au milieu, est tout seul, et ben il crève. Et donc, c'est pas vrai de se faire soi-même, non, c'est les autres qui font. Simplement, quand cet échange n'est pas bien conduit, ça veut dire que on laisse à certains le savoir, ce qui va leur permettre de nous diriger, tandis que les autres vont être dirigés, voire les soumis et ceux qui sont les bébères, parce qu'eux, ils savent. Les bébères, voilà, comme on disait dans Sant'Antonio. Et c'est ça qu'il faut pas. C'est ça l'enjeu. C'est-à-dire que dans le privé, moi, mon fils est allé dans le privé. Là, en 4 mois, tout son retard qu'il avait du public, il a tout rattrapé. Il a passé son bac totalement incapable de faire quoi que ce soit avant. Aujourd'hui, bon, il a une licence, il est en master et tout ça. Mais à l'époque, c'était une épave. Et je parle, culture. Donc, et maintenant, c'est vraiment quelqu'un de bien. Mais c'est... Et pourtant, je suis contre le privé. Mais il faut bien comprendre que le privé, c'est fait pour une élite. C'est pas fait pour... Ça n'est pas fait pour nous. Du tout. Du tout, du tout. Qu'il y ait quelques loustiques qui arrivent à passer dedans, ils le supportent. Mais ils supportent pas le reste. Voilà. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et nous sommes en plein milieu d'une lutte de classe, comme l'avaient dit deux, trois personnes ici. De quoi ? Très drôle, oui. Alors, est-ce qu'il y a des dernières prises de parole ? Une. On fait On fait tourner la boîte à dons, c'est voilà, pour nous permettre de tenir le matos en état et de rester comme ça sur la place pour faire ces interventions. À mon avis, c'est pas tellement public et privé, mais de choix. Le problème, c'est que on est comme dans un cercle un peu fermé. On se demande qui c'est exactement. On accuse par exemple les professeurs du collège, mais qui les a et ceux qui les ont formés, est-ce qu'ils savaient ou ils font semblant de leur apprendre de mal former. C'est ça. C'est comme un service. On se demande maintenant qui c'est, qui a du savoir et qui passe le savoir. Bon, bah, c'est un petit peu plus libre, tout simplement. C'est pour ça. Et donc, on devrait peut-être libérer l'école publique d'une manière ou d'une autre pour permettre justement de l'accès au savoir. Voilà. C'est que... Merci beaucoup. Ouais. Donc, moi, je veux aborder la question de l'élite. On dit que l'élite vient du privé et tout ça. Donc, je dis qu'il ne faut pas voir l'élite avec ce qu'on appelle le pourcentage. Il vaut mieux s'intéresser au plus petit pourcentage du côté des élites. Et on s'apercevra que ce petit pourcentage vient du côté des ouvriers. Et il existe un livre qui s'intitule « Ils ont semé nos libertés ». Et quand on lit ce livre, qui a semé les libertés? Eh bien, c'est le monde ouvrier. Merci. Donc, du coup, s'il n'y a plus de prise de parole, on va s'arrêter pour aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ne sont pas habitués à venir à EducPop, on est là le samedi et le dimanche, voilà, le week-end du 8 et 9, parce qu'on sera à Notre-Dame-des-Landes. Mais sinon, on est donc là tous les week-ends, le samedi pour des interventions. Donc d'ailleurs, vous pouvez tous nous proposer des interventions. En fait, on a pour principe que, comme on n'invite personne à intervenir, tout le monde est bienvenu. Vous pouvez nous proposer une intervention sur ce que vous voulez. On ne refuse pas d'intervention. Juste la charte, rapidement, c'est que vous êtes présenté seulement avec votre prénom. Pas de statut ni de fonction particulière. On vous demande de parler au maximum 20-30 minutes pour qu'il y ait un débat au moins de 30 minutes. Et puis bon, voilà, d'avoir, si jamais il y a des concepts ou autre chose, de les définir pour que ce soit accessible à tous. Voilà, la charte qui est là d'ailleurs. Toutes nos interventions sont enregistrées, donc vous pouvez les retrouver sur notre site. On commence à en avoir un sacré paquet. Et donc, l'année prochaine, on sera là samedi. Dimanche, on va continuer l'atelier comme on l'a fait aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si on va continuer sur les enfants. On va voir si on a suffisamment exploré le sujet. Et sinon, on passera sur l'autre thème que vous verrez à ce moment-là, parce que je ne sais pas encore. Voilà, merci beaucoup. Ouais, en fait, peut-être que c'est pas... J'attendais la fin de la... Ouais, je m'adresse aux gens d'éducation populaire, en fait. Je me demandais, en fait, comment...